Numéro 21. Attachez vos ceintures, s'il vous plaît. Zaseki belto wo oshime kudasai. Le train. Densha. La gare. Eki. Le quai. Home. La ligne numéro 1. Ichiban sen. Je voudrais un billet pour Tokyo. Tokyo iki no kippu ga hoshii desu ga. Un aller simple. Katamichi. Un aller et retour. Ofuku